On m'a demandé d'écrire une chanson avec juste un mot, pis le seul mot que j'étais foutu de trouver, ben c'était le mot OK. OK. OK. OK. OK. Fait que là j'avais pas vraiment d'idée, fait que j'allais fumer un joint, question de m'inspirer. J'étais à la Saint-Gédéon, j'allais aller le fumer. OK. OK. OK. OK. Fait que là, ben, j'avais pas plus d'idées. Fait que j'étais allé boire une bière. J'étais allé au petit monarque, y'avait rien que des coquets. Ok. Ok. Ok, ok. Là, je pense que je l'ai dit trop fort. Parce que là, tout le monde s'est retourné. Y'avait l'air vraiment, vraiment fâché. Je pense que je les ai provoqués. Ok. Ok. Ok, ok. Là ben ils s'en sont retournés. Ils avaient l'air vraiment vraiment frustrés. Ils m'ont regardé pis ils m'ont dit: sais-tu que tu viens de nous choquer? Ok. Ok. Ok, ok. Bing bang ils m'ont cassé un bras. Bing bang ils m'ont cassé une jambe. Laissez-moi vous dire qu'après ça j'étais pas mal, pas mal, pas ok. Ok. Okay. Là ben j'étais retourné chez nous, question de relaxer. J'ai écouté la TV, la seule affaire qu'il y avait c'était la soirée du hockey. Là ben après ça j'étais tout excité. J'ai branché mes micros dans mon stéréo. J'étais tout fier d'essayer mon nouveau karaoké. Ok. Ok. Ok, ok. Là ben j'avais plus de cigarettes. Fait que j'suis allé au dépanneur. La fille elle me dit: Il me reste rien que des d'accord. Ça fait longtemps que t'as arrêté de fumer, Joël. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de d'accord dans l'indépendant, c'est fini. Ça n'existe plus les d'accord. Il n'y a plus de cigarettes d'accord. En plus, le jeu de mots, il n'est pas très... OK, d'accord, non? OK. OK. OK. OK, OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.